Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en podcast sur les Mérovingiens, grandeur et décadence. Alors, nous avons vu comment, après une demande des grands du royaume de Bourgogne, Nantilde, la reine des Francs, avait décidé de nommer Flavade, qui était peut-être un de ses amants, au poste de maire du palais, que son exercice en tant que maire du palais n'avait pas duré très longtemps, puisqu'il s'était immédiatement rentré en guerre contre un grand du royaume de Bourgogne, un certain Willibald, et ça s'était terminé par deux batailles et un duel ordalique qui avait entraîné la mort des deux parties. Bon, donc c'était pas très brillant, au point que, à la mort de Flavade, celui-ci est remplacé par Archambault, le maire du palais de Neustrie, et les revendications particularistes des Bourguignons, finalement, passent en second plan, puisque face à la compétence et à la sagesse de ce maire du palais Archambault, eh bien, les Bourguignons sont finalement convaincus que mieux vaut avoir un seul maire du palais que un maire du palais à soi qui est mauvais et qui fait de la mauvaise politique. En tout cas, tout rentre dans l'ordre, et au profit d'ailleurs de la famille mérovingienne, même si en Austrasie, les choses ne se passent pas exactement de la même façon. En Austrasie, nous savons que le roi d'Austrasie, c'est Sigebert III. Alors, la régence, elle, est toujours confiée à Nantilde, même si Nantilde n'est pas la mère de Sigebert III, mais c'est quand même la reine des Francs, donc elle est en titre, celle qui dirige le royaume. Il faut savoir aussi que Dagobert faisait quand même beaucoup confiance à Nantilde. Elle avait été élevée au couvent, elle avait été d'ailleurs préparée à occuper des fonctions importantes. Bref, elle avait été conditionnée à occuper la fonction de reine depuis sa tendre enfance. Alors, en Austrasie, les choses ne se passent pas tout à fait pareil. Pépin de Landen est rappelé dans ses fonctions de maire du palais, qu'il dirige encore pendant un an, il meurt de vieillesse, ayant l'odeur de sainteté, et il est remplacé par son fils Grimoald. Est-ce qu'il l'a désigné avant sa mort? C'est très probable. En tout cas, Grimoald se présente comme le successeur légitime de son père et souhaite avoir l'élection unanime des grands pour pouvoir déjà exercer son métier de maire du palais. Mais dans le palais de Metz, donc le palais d'Austrasie, le palais royal d'Austrasie, eh bien, se trouve un domestique, un certain Othon, qui considère en réalité que les revendications de Grimoald sont tout à fait fallacieuses et que ce Othon a de bien meilleures compétences pour devenir maire du palais. Et que c'est pas parce que Grimoald fait partie de la famille Pépinide qu'il est forcément maire du palais. Donc, Othon d'ailleurs, certaines sources disent que Othon exercera en effet pendant un certain temps la mairie du palais, les fonctions de maire du palais, avant d'être assassiné par des hommes de main, à l'accent alamans, qui en réalité, si on fait un petit travail d'enquête, on se rend compte que ces alamans donc, seraient des hommes en réalité d'un comte qui lui-même serait un ami très proche de Grimoald. Est-ce que ce comte aurait agi sur ordre de Grimoald? Ça, l'histoire ne nous permet pas de le savoir. En tout cas, on peut penser que Grimoald pourrait, sinon être derrière ce crime, en tout cas, approuver ce crime. Mais on voit bien donc là que s'installe une véritable succession dynastique des maires du palais, au moins au palais d'Austrasie. Ce n'est pas le cas dans le palais de Neustrie, mais c'est le cas dans le palais d'Austrasie, où le pouvoir royal est plus faible. En effet, Sigebert III est encore assez jeune et influençable. D'ailleurs, à peine arrivé en fonction, Grimoald va essayer d'influencer le roi dans le sens de ses intérêts, et notamment, voyant que Sigebert n'arrive pas à avoir d'enfant avec Chilmnécide, qui est sa femme, eh bien, il va lui dire, écoute, tu pourrais finalement adopter mon propre enfant, et il deviendra roi à ta mort. C'est lui qui deviendra d'ailleurs roi sous le nom de Childebert III, avec le surnom infamant de l'adopté. Mais malgré tout, Chimnécide, alors ça c'était un peu une histoire qui est construite de toutes pièces. On ne sait pas très bien si elle est véridique. En tout cas, Chimnécide donne naissance malgré tout à Dagobert, ce qui est logique parce qu'en réalité, ils n'avaient aucun problème, justement, elle n'avait aucun problème pour avoir des enfants. Et lors de l'accession au trône de Childebert III, l'adopté, eh bien Grimoald va tonsurer Dagobert et va l'envoyer immédiatement dans un couvent en Irlande. Alors, si l'histoire retient que Childebert III est un faux mérovingien, eh bien, parce qu'en réalité, il serait le fils de Grimoald et pas de Sigebert, eh bien, une analyse rapprochée penche plutôt pour la légitimité de Childebert, fils de Sigebert, mais qui pourrait être soit le fils de Sigebert et de sa femme légitime, soit le fils de Sigebert et d'une concubine. Et en réalité, Sigebert, craignant pour sa vie, aurait peut-être demandé à Grimoald d'adopter ce Childebert, ce qui fait que Childebert a eu ce surnom de l'adopté. Et ce qui fait que donc l'envoi par Grimoald de Dagobert dans un couvent en Irlande est en réalité uniquement de la réelle politique au profit des Mérovingiens, d'Austrasie, rien de nouveau sous le soleil, l'idée étant d'écarter un prétendant au trône. Mais la postérité est souvent injuste et retient principalement l'amour du pouvoir de Grimoald, qui sera cause de sa chute. Sur la mort de Grimoald, là aussi, les sources se contredisent. Le chroniqueur du Frédégaire, acquis à la cause mérovingienne, laisse entendre que Grimoald serait mort assassiné. Assassiné dans une église par un frison armé par son propre beau-père. Celui-ci, le beau-père, est en effet un noble alsacien, soit un de ces nobles austrasiens traditionnellement pro-neustriens, ou disons défavorables à un pouvoir austrasien trop fort. Mais malheureusement, les beaux-pères sont connus aussi pour détester leur gendre pour plein de raisons différentes et pas seulement pour des considérations politiques, comme nous le montrent d'ailleurs les journaux dans les faits divers, la rubrique faits divers. Quant au frison complètement païen, donc le frison qui a assassiné Grimoald, lui, il s'en foutait complètement de rentrer dans une église consacrée ou pas, puisqu'il devait être justement. Enfin, il n'avait pas peur de l'excommunication, puisque dans tous les cas, il ne devait même pas être chrétien. Alors, une autre version des faits rapporte au contraire, alors c'est une version des faits plus favorable aux intérêts neustriens, écrite par un moine francilien, et qui nous a été transmise sous le nom de Liber Francorum, Liber Historiae Francorum, la geste des rois des Francs. Alors, cette chronique laisse entendre en réalité que Childebert III et Grimoald auraient été livrés par les Austrasiens légitimistes à Clovis II en 661 pour qu'ils soient jugés. Et les deux auraient été condamnés à mort et décapités en 662. Or, cette version se heurte aux faits puisque Grimoald est mort en 657, Childebert en 662, malgré les tentatives de divers chroniqueurs de tous bords de les faire mourir en même temps. Et pourquoi cette tentative de les faire mourir en même temps? Ben, c'était pour montrer que cette mort du père et du fils ensemble souligne la félonie de Grimoald et laisse entendre qu'il a laissé un très mauvais souvenir, non seulement auprès des partisans des Mérovingiens, que des partisans des Pépinides. Voilà, et la suite dans le prochain podcast. Merci et bientôt.